aux portes de la mort. On se rend compte qu'on aimait vivre et enfermé. Qu'enfin on comprend qu'on aime être libre, des exemples j'en ai. Comme tout le monde, mais là n'est pas le fait. À surestimer, on finit par se penser parfait. Ce fossé qui sépare nos actes et notre conscience. On frôle le vice jusqu'à se sentir en confiance. On se dit tous que tant que ça marche, et ben on continue. On franchit des limites et d'un coup tout devient ambigu. On se trouve où les autres étaient quand on les plaignait. On prend goût au mal et on s'en retrouve imprégné. Chacun de nous fait ses comptes avec sa morale. Et c'est là que l'horreur, à nos yeux, passe pour normal. Au début, on regarde les autres faire. Puis on se dit pourquoi pas nous et on se retrouve dans une autre sphère. De l'autre côté où les choses prennent une autre ampleur. Où il suffit d'un rien pour que nos joies se transforment en pleurs. Un monde où on en vient à détester la vie. Où on se croit moins seul car les gens sont du même acabit. On dit que l'état veut nous diviser alors qu'on l'est déjà depuis le jour où c'est l'unité qu'on a brisée. À force de haine et malgré nos beaux discours, nous voilà ennemis et face aux autres on est devenus sourds. Aveugles face à la peine, la nôtre nous suffit. Mieux écarte la rage, dit mieux que les mots tout ce qu'on a subi. On met tous sur le compte des erreurs de jeunesse. Comme si un crime s'expliquait par l'âge et ses faiblesses. Pas de sentence donc le mal s'amplifie. Lucifer suffit à guider nos instincts et bien sûr on s'y fie. Nos regards voudraient faire croire qui est le fautif. On aime que ce soit l'autre, même si c'est sans motif. La haine voudrait qu'on se déteste, c'est ce qu'on a fait sans le savoir. Mais aujourd'hui des conséquences on se délaisse. Le mal a pris place dans nos rangs. Les proches meurent et trop de larmes qui forment un torrent. Parce que c'est les mêmes peines à des degrés différents, mais les mêmes douleurs dans les veines. Dans les veines, le mal a pris place dans nos rangs. Les proches meurent et trop de larmes qui forment un torrent. Parce que c'est les mêmes peines à des degrés différents, mais les mêmes douleurs dans les veines. C'est parce qu'un voile cache ses vérités que nos regards se croisent vite, car de la haine on sombre dans la sévérité. Les hommes nous emportent, évitez cette sans péché. Le mal nous ouvre ses portes, on franchit pas sans pouvoir s'empêcher. Parce qu'on est trop naïf, parce que c'est ton canif qui prolonge ton âme et stoppe plein cœur le jour de ses 20 anives. C'est la même rage qui nous anime, qui fait de l'humain un animal. Tous on mime la même forme de mal, pourquoi on paraît bien. Pire, on parle de tout et de rien, pourquoi je sais que tes instants de solitude amènent à se dire. Quel vide chien. On cueille le fruit de chaque effort, mais ton orgueil se lit sur ton visage et s'effacera sur ton cercueil. Puisque cette tragédie, on est une minorité à la fois. L'esprit pour concevoir tout ça, on est peu à la voix. Parce que c'est à la voix qu'on a décidé de batailler. Parce que certains empruntent d'autres voies et préfèrent mitrailler. J'entends les plus trahis, ceux qui salissent parce qu'ils n'ont pas saisi l'enjeu, le fond, la forme, tout ce que j'ai travaillé. C'est trop d'intolérance et si peu d'indulgence. C'est trop de temps perdu à cause d'un manque d'intelligence trop immature. Ne vois-tu pas mère nature se perdre dans les méandres de nos espoirs et de nos ratures. Parce que les opinions divergent selon les critères qu'on s'impose. L'homme et le mal cohabitent en symbiose. On oublie nos erreurs, on répète celles des autres. On préfère dénigrer les siens plutôt que d'admettre ses fautes. Puisqu'on s'efforce d'être con au lieu de réfléchir. Puisqu'au fond j'ai la haine de devoir te rafraîchir. Parce qu'on est identique, on cherche toutes sortes de différences. Loin des rêves de l'enfance et loin d'être authentique. Parce que j'écris, j'ai mal, je pleure, pourtant j'ai le sourire. Parce que comme toi j'aimerais être heureux au lieu de souffrir. Le mal a pris place dans nos rangs. Les proches meurent et trop de larmes qui forment un torrent. Parce que c'est les mêmes peines à des degrés différents, mais les mêmes douleurs dans les veines. Dans les veines, le mal a pris place dans nos rangs. Les proches meurent et trop de larmes qui forment un torrent. Parce que c'est les mêmes peines à des degrés différents, mais les mêmes douleurs dans les veines. Le mal a pris place dans nos rangs. Les proches meurent et trop de larmes qui forment un torrent. Parce que c'est les mêmes peines à des degrés différents, mais les mêmes douleurs dans les veines. Dans les veines, le mal a pris place dans nos rangs. Les proches meurent et trop de larmes qui forment un torrent. Parce que c'est les mêmes peines à des degrés différents, mais les mêmes douleurs dans les veines.